لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن شاء الله بقضينا السجي qui est rare, mais qui a son importance. Et c'est un sujet, comme tous les autres sujets, que l'on ne peut traiter que par la parole, les paroles des savants. Al-Hajar. Al-Hajar, le fait de délaisser quelqu'un ou un groupe. Pourquoi ? Parce que les gens sont de différentes sortes devant ce sujet, par rapport à ce sujet. On trouve deux groupes qui sont dans l'exagération et un groupe qui est sur le juste milieu. Il y a ceux qui vont exagérer dans cette mas'ala, le fait de faire le hajar, le fait de délaisser une personne. Il y a ceux qui vont, ou qui veulent faire comprendre que cette chose-là n'existe pas dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'elle fait partie de la dureté, ou bien qu'elle fait partie des choses blâmables. Sont les deux opposés. Et il y a ceux qui sont au juste milieu, Ahl Sunnah, par rapport à cette question, et qui la jugent avec science, et équité et justice. Comme on le sait aujourd'hui, comme on vit dans Zaman al-Fitan, un temps de trouble, touché par la mort des savants. Et on sait très bien que lorsqu'il y a la mort des savants, il y a les ignorants qui émergent. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de parler sans la parole des savants, sans être devancé par des savants. Et quand on dit devancé par des savants, c'est d'aller les voir, de leur parler, de leur poser des questions et de s'instruire auprès d'eux. Car les livres ne suffisent pas, ou les cassettes, les audios ne suffisent pas. Personne n'est là pour te dire si tu as bien compris. Et étant donné que cette question elle est très importante, qu'il s'agit de la traiter convenablement, on se doit de revenir aux gens de science. وقد أخرج شيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل الحديث وفي لفظ عندهما يعني البخاري ومسلم أن يقل العلم ويظهر الجهل والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام أن يرفع العلم ويظهر الجهل comme il a été rapporté chez Bukhari et Muslim selon Anas, parmi les signes des temps de la fin, c'est que la science sera enlevée. Elle sera enlevée et qu'est-ce qui deviendra? Donc si la science elle part, qu'est-ce qui augmente? L'ignorance. Et dans l'une des deux versions, ou bien celle de Bukhari ou bien Muslim, la science sera peu et émergera l'ignorance. وفي الصحيحين يعني البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد. Allah ne va pas enlever la science en enlevant de la poitrine des gens, de ses serviteurs. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واللفظ للبخاري رحمه الله. بقبض العلماء بمعنى بموت العلماء. Donc il sera enlevé la source comment? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner la mort au savant. Et le savant, lorsqu'il meurt, il part aussi avec sa science. Puis les gens mettront à leur tête des ignorants qui seront questionnés. Puis ils donneront la fatwa, ils répondront sans science. Ils s'égareront eux-mêmes, ils égareront les autres. فَإِذَا رُفِعَ الْعِلْمُ السُّنِّي الصَّحِيحِ رُفِعَ الْعَمَلُ بِهِ. Donc si la science elle part, الْعِلْمُ السُّنِّي الصَّحِيحِ, la science authentique sur certains du livre de la sunna, elle part avec les ulama. Automatiquement, si la science elle part, qu'est-ce qui va partir? Les actions qui sont en conformité avec cette science. D'accord? Comment veux-tu que les gens appliquent la science s'il n'y a plus de science? Donc forcément, si la science elle part, c'est que les actions aussi, elles partent avec. Parce que les gens ne pourront plus appliquer l'ilm, étant donné qu'elle n'est plus là. وَإِذَا ظَهَرَ الْجَهْلُ ظَهَرَ الْعَمَلُ بِالْجَهْلِ وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ. Et le contraire avec son contraire. Donc si la science elle part, ça veut dire que c'est quoi qui est venu? L'ignorance. Et si la science elle part, ça veut dire que les actions selon cette science, elles ne seront plus appliquées, car il n'y a plus de science. Et comme l'ignorance est arrivée, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont agir avec quoi? بالجهل, avec ignorance. Donc l'ilm elle part avec l'amal salih, et le jahal arrive avec quoi? L'amal بالجهل, avec les actions, mais qui malheureusement sont fondées sur de l'ignorance. فَرُفِعَ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَظَهَرَ الْجَهْلُ وانتشر العمل به كما أبانه الحافظ القرطبي رحمه الله في المفهم كم إلا رمني القرطبي رحمه الله تعالى. Ainsi la science est élevée, les actions partent avec, comme apparaît l'ignorance et les actions en conformité avec cette ignorance malheureusement. وعليه فمسألتنا هذه الناس فيها على ثلاثة أقسام طرفان ووسط. Donc la masala de l'Hajar, ça c'est une petite mukhaddima qu'il a ramené le shir pour dire quoi? Que l'ignorance est présente et que la science part. Qu'est-ce qu'il a dit? فَمِنْهُمْ مَنْ غَلَى وَأَعْمَلَ هَذَا الْبَابِ يعني باب الهجر بِغَيْرِ قَنُونِهِ وَفِي غَيْرِ مَحَلِّهِ أي في أناس لَا يَسْتَحِقُونَهُ. Les deux opposés, les deux qui sont à l'extrême, ceux qui pensent et qui exagèrent là-dessus, qui font le hajar avec une personne, il ne passe plus salam, ne parle plus avec lui, ne s'assoit plus avec lui, il détourne son regard, son visage, alors qu'elle ne mérite pas cette chose-là. Comment elle ne mérite pas? Shar'an. Shar'an, elle ne mérite pas. C'est-à-dire que si on regarde bien, il quitte et la sunna, est-ce que cette personne, elle mérite qu'on lui fasse le hajar? Elle ne le mérite pas. Mais il y a des gens qui vont exagérer là-dessus. Et de l'autre côté, il y a l'autre opposé. Ceux qui te diront, non, il ne faut pas faire ça, ça divise, ça fait là, ça va lui faire mal au cœur, ça va vous faire preuve de méchanceté, de dureté envers lui, cadeau au cœur. Ce qui est shar'i va te faire croire qu'il est interdit. Alors que le hajar, là, il se peut qu'il soit Shar'i, comme on va le voir. Et il y a les gens du juste milieu. والوسط الذي عليه أهل السنة الذين قاموا به بعلم وعدل. C'est important. بعلم وعدل. Ce sont ceux qui agissent avec quoi ? Qui vont faire le hajj de la personne, mais avec science et surtout avec quoi aussi ? Justice. Avec science et justice. Car comme on peut le voir, il se peut que quelqu'un il fasse le hajj qui est shar'i. Il va vouloir délaisser cette personne-là. Si tu regardes par rapport au texte, il a raison de le faire. Mais seulement il va le faire pour quoi ? L'innafsihi. Pour sa personne, pour satisfaire sa personne. Est-ce qu'il a été juste dans ce qu'il a fait là ? Là, ce n'est pas une preuve de justice. Et les gens de la sunna sont ceux qui font preuve de... qui font les choses avec science, mais qui font les choses aussi avec justice. فَأَعْمَلُوهُ فِي مَنْ يَسْتَحِقُّهُ بِنُصُوصَ الْوَحْيِينَ يعني الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَفَامِ السَّلَفِ الْأُمَّةِ الصَّالِحِ. Donc ce sont ceux qui vont agir dans toutes choses avec le Coran et la sunna, la révélation, hein, les deux révélations, le kitab et la sunna, et à la compréhension de salaf. فَكَانُوا أَسْحَلَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَأَرْحَمُهُمْ بِالْخَلْقِ. Ce sont ceux qui cherchent le plus la vérité, qui veulent le plus s'approcher à la vérité, à la sunna, mais qui en même temps, أَرْحَمُوا مِنَ النَّاسِ لِلْخَلْقِ. Ce sont les gens les plus miséricordieux envers les gens. Avant de faire une chose, de parler de cette chose-là, il faut qu'on apprenne c'est quoi cette chose-là. C'est bien de parler d'Al-Hajr, mais c'est quoi exactement Al-Hajr? Dit al-Wasl, yuqal hajarahu yahduruhu hajaran. وقال الراغب الأصبهاني رحمه الله في المفردات الهجر والهجران مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن وإما باللسان وإما بالقلب ثم دلل على ذلك بأدلة من الكتاب العزيز يعني من كتاب الله عز وجل. الأصبهاني رحمه الله قسك الذي الهجر والهجران إلى ديكم مفارقة الإنسان غيره c'est le fait de se séparer d'une personne d'un autre par le corps وباللسان par la langue tu ne parles plus أو بالقلب par le cœur. On va expliquer tout ça. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الأدب. كتاب الأدب. On sait que les muhaddithoun, comme l'imam Bukhari et autres, quand ils écrivent un livre de hadith, leurs paroles se trouvent dans quoi ? Dans les titres. Tout le reste c'est كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. Et on avait dit que parce que l'imam al-Bukhari, il met un titre, ça veut dire que c'est sa parole. C'est comme s'il te disait, voilà ce qu'il faut croire. Et son istidlal, il est ce qu'il va mettre lui en dessous comme verset ou comme hadith. Alors qu'est-ce qu'il a mis ici? Kitab al-Adab. Dans le chapitre du livre du comportement, dans son sahih. Bab al-Hijra. Bab al-Hijra. Donc ici, il a mis premier chapitre, grand chapitre, le comportement. Sous-chapitre dans le comportement, Al-Hijra. Donc ça veut dire que l'imam al-Bukhari, il voit que le Hijra, ça fait partie de quoi ? De l'adab. Ou bien que parfois, ça n'en fait pas partie. Est-ce que c'est toute Hijra qui est louable ? Non. C'est ce qu'on va voir, bi'idhnillah. Wa qawli Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, hada istidlal, l'imam al-Bukhari, la yihillu li rajulin. Il est interdit, Nabi Samuel a dit quoi dans le hadith, il n'est pas permis à un homme qu'il fasse la hijra de son frère. Ça y est, il ne le voit plus, il ne lui parle plus, il ne l'appelle plus. Il ne porte même pas son visage vers lui. Au-dessus de 3 jours, 3 nuits. Pas plus de 3 jours de le hijara, c'est-à-dire le hajra. وخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا الحديث ce qui nous intéresse c'est la dernière parole ici ولا تدابروا قال الحفيظ أبو عبيد في غريب الحديث التدابر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا التدابر المسارعه والهجران ماخوذ من ان يولي الرجل صاحبه دبوره ويعرض عنه بوجهه وهو التقاطع كما يستكي ولا تدابروا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا c'est-à-dire ne tournez pas le dos à vos frères. Il a donné une série de conseils et il a dit wala tadabaru, ne tournez pas le dos à vos frères. Al-Hafiz Abu Ubayd, rahimahullah, il expliquait en disant at-tadabur, c'est le hijra, le fait de faire le hijra de lui. C'est-à-dire que tu lui tournes le dos. Ou bien tu tournes ton visage, tu ne veux pas le voir et tu lui montres ça. Ce qui est quoi en vérité, une heure, comme une coupure. Tu te coupes de lui. وقال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ قال il a dit deux choses. الإمام مالك رحمه الله ليعلم أن الهجرة بالقلب هي الأصل. La base de l'hijra, c'est quoi? C'est le cœur. C'est l'qalb. وَهِجَرَةُ الْبَدَنِ وَاللِّسَانِ تَتَبَعَانِ كَمَا قَالَ الْإِمَامِ ابْنُ الْقَيِّمَ رَحِمُ اللَّهِ فِي الرِّسَالَةِ التَّبُوكِيَّةِ La base dans l'hijra, c'est la base, c'est quoi? C'est le cœur. Et après la hijra du corps et de la langue, le fait de ne pas parler, vont suivre. Cette hijra qui est à la base celle du cœur. قال يعني ابن القيم رحمه الله إن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت. Donc il a dit ce qui est voulu ici par la hijra, c'est la hijra pour Allah et son messager عليه الصلاة والسلام. Elle est une obligation pour chacun d'entre nous, pour toute personne et en tout temps. وَأَنَّهُ لَإِنْفِكَاكَ لِيَحَدٍ عَنْ نُجُوبِهَا وَهِيَ مَطْلُوبُ اللَّهِ وَمُرَادُهُ مِنَ الْعِبَادِ إِذِ الْهِجَرَةُ هِجَرَتَانِ. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu pour ses serviteurs, c'est ce qui est demandé de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est pour ça que l'hijra, elle est de sorte. الهجرة الأولى هجرة بالجسم من بلد إلى بلد وهذه أحكامها معلومة qui est de quitter un pays pour un autre pays, quitter une terre pour une autre terre. Une terre où tu n'arrives pas à accomplir ta religion, pour quitter cette terre-là pour aller vers une terre où tu pourras accomplir ta religion. هي الهجرة الأولى والثانية la deuxième هجرة الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وهذه هي المقصودة هنا. Et ce dont on est en train de parler, c'est celle-là. هجرة القلب, la هجرة du cœur. لله ورسوله, pour Allah et son messager عليه الصلاة والسلام. Il a continué en disant وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل. Voilà ce qu'est la véritable hijra, celle du cœur. Et elle est la base. Wa hijratul jasadi tabi'atun laha. Thumma atala rahimahullah ibn al-Qayyim fi bayanihi. Et il a dit, puis la hijra du corps va suivre celle du cœur. Fahimtou ? C'est compris ? Taïm. La deuxième chose qu'il a ramené, donc ça c'était la parole d'Ibn al-Qayyim, qu'il a ramené l'imam Malik, fil Muwatta. La deuxième parole qu'il a ramenée l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit ? لِيَعْلَمْ أَنَّ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُنَّةِ الْعَظِيمَةِ Parmi les bases des gens de la sunna, الْعَظِيمَةِ يعني c'est une grande base. وجوب الاجتماع. Parce que certains pourraient dire, ça y est, parle de l'hajar, ça va faire encore tafarruq. Qui vous a dit que l'hajar, c'était une base, يعني dans le fait, c'était une base dans la communauté, que la base c'était de faire l'hajar? Là, non. La base chez les musulmans, c'est l'union, c'est de s'unir à l'al-haq. Mais il arrive parfois qu'il y a des exceptions pour pouvoir faire quoi? Al-Hajar. Mais la base, c'est quoi? C'est l'union. Donc personne ne veut nous faire croire que la base chez les gens de la Sunna, c'est de diviser, c'est de faire l'Hajar. Ah ben, c'est pour ça que il a ramené l'imam Malik rahimahullah ce deuxième point où il a dit أن من أصول أهل السنة العظيمة. Pourtant il a parlé de l'Hajar au début, mais maintenant il dit quoi? La base, la grande base chez les gens de la Sunna, c'est quoi? وجوب الاجتماع, l'obligation de se réunir, d'être unis. وتبذل الفرقة والاختلاف, de délaisser la division et les divergences. وأن يكون الاجتماع على الحق. Et c'est là que tu vois, c'est des ulama de la sunna. C'est là que tu vois que c'est des ulama de la sunna. Parce qu'il a dit quoi? Délaisser les divergences et délaisser la division. Donc certains vont dire quoi? Vous voyez, il faut délaisser les divergences. Il ne faut pas faire attention aux divergences, il faut avancer. Mais qu'est-ce qu'il a rajouté? وَأَنْ يَكُونَ الْإِجْتِمَاعُ عَلَى الْحَقِّ. Mais que cette union, elle se passe sur quoi? عَلَى الْحَقِّ, sur la vérité. وَبِالْحَقِّ, par la vérité. بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَلِلْحَقِّ, et pour la vérité. Il a bouché tous les trous. Il n'a rien laissé. Vous voulez qu'on se réunit? Il n'y a pas de souci. Alors on va se réunir sur quoi? Sur la vérité, pour la vérité et par la vérité. On ne va pas se réunir sur des choses. Toi, tu n'es pas à l'al-haq, moi je suis pas à l'al-haq, lui il est pas à l'al-haq et on va se réunir. On ne pourra jamais se réunir comme ça. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء والآيات في الباب كثيرة. Conformément à la parole d'Allah lorsqu'il a dit selon le sens du verset, approchez-vous tous fermement بحبل الله à l'anse d'Allah, la corde d'Allah, يعني دين الله الكتاب والسنة جميعا, tous. Quel que soit le musulman, il est obligé de revenir au Coran et à la Sunna. Voilà ta farraqou, et ne vous divisez pas. C'est-à-dire que celui qui ne s'approche pas à l'ihtisam bil kitab wa sunnah, celui qui ne l'a pas, automatiquement quoi? Voilà ta farraqou, et ne vous divisez pas. Donc automatiquement, il va se diviser. C'est lui qui va faire la division. Et non pas celui qui reste à la sirat mustaqim. C'est celui qui va à droite ou à gauche qui commet la division. Et lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné, quant à ceux qui se sont divisés entre eux, hein, ils ont fait des groupes entre eux, par rapport à leur religion, à leur croyance, laisse ta mine figée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit, tu n'as rien à voir avec eux. Shay, rien. La moindre chose, tu n'as rien à voir avec eux. Et les versets sont nombreux dans le fait de se réunir et de se regrouper et de s'unir bien les muslimines. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح مسلم الله يساتيسفي de vous de trois choses, il déteste de vous trois choses. Parmi les choses qu'il a citées dans le bien, il a dit quoi? وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهذا هو الشاهد منه. والأحاديث في هذا الباب في الباب كثيرة. Donc qu'est-ce qu'il a mentionné parmi les choses qu'Allah est satisfait, c'est que accrochez-vous fermement à la corde d'Allah, à l'anse d'Allah, kitab wa sunna, le Coran et la sunna, et ne vous divisez pas. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعلمون أن من القواعد العظيمة que parmi les grandes règles التي هي من جماع الدين parmi les grandes règles il y a quoi le fait de pour pouvoir quoi se regrouper pour pouvoir s'unir بين المسلمين تأليف القلوب واجتماع الكلمة والصلاة ذات البين فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وذكر آيات في المقام qui est de réunir les cœurs que les cœurs soient réunis et de se réunir sur une bonne parole comme Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné craignez Allah فاتقوا الله craignez Allah et les ulama disent quand il y a un verset où il y a فاتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله qui est ramené ça veut dire que ce qui est avant ou après il a un rapport avec le taqwa et que tu ne peux pas avoir taqwa Allah la crainte pieuse d'Allah tant que tu n'as pas fait ce qui est avant ou après cette parole là qui mentionne la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Or ici qu'est-ce qu'il a dit Allah Tabaraka wa Ta'ala فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم hein? C'est-à-dire il faut parfaire la concorde qu'il y a entre nous. C'est-à-dire la bonne entente et l'union qu'il y a entre nous. Ça, ça fait partie de quoi ? De taqwa Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein, قال, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ في سورة الأنفال, le premier verset. هذا استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال, toujours شيخ الإسلام ابن تيمية, وأمثال ذلك من النصوص تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة Qu'est-ce qu'il a dit, chers amis, t'es mis en bas? Et il y a beaucoup d'exemples parmi les textes religieux qui nous ordonnent d'être groupés, d'être réunis, que les cœurs ne divergent pas, et de s'éloigner de la division et des divergences. Et les gens qui sont sur cette base-là sont les gens de l'jama'a, ahlul jama'a, yani ahlul sunna. Comme ceux qui sont sortis de cela, ce sont qui? Ahlul furqa, les gens de la division, yani ahlul bid'ah. Idan, donc en conclusion à cela, falwajib, ننشط ونسعى في تحقيق هذا الأصل وقيامه على الحق وبالحق بنشر الألف التألف والمحبة والإخاء في الله ولله تحقيقا لهذا الأمر الإلهي ولهذا الهدي النبوي ونبتعد عن كل أسباب الفرقة والقطيعة من نشر أبواب البر والصلة والسلة كما هو مبسوط في موضعه Ainsi on se doit de faire tout notre possible pour accomplir cette union entre musulmans mais sur la vérité et par le moyen de la vérité Est-ce qu'on peut s'unir sur du faux Non On ne peut s'unir que sur la vérité et par la vérité en ayant cette union des cœurs al-mahabba l'amour la fraternité lakin fillahi wa lillahi de s'aimer pour Allah tabaraka wa ta'ala et de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala afin d'accomplir cet ordre divin qui est de s'unir Et c'est ce avec quoi est venue la guidée prophétique. Et qui est de s'éloigner de toute cause qui pourrait commettre quoi ? La division. Ou bien la coupure. Ou bien la coupure. Thania. Ça c'était le premier point. Le deuxième point. النصوص الواردة في الكتاب والسنة في مسألة الهجر. Les textes du livre de la Sunna. Par rapport à ce sujet, l'hajar, le fait de délaisser. Ce qui vient nous ramener à dire que, comme ils ont dit le ulama, al-hijara qisman, عند أهل السنة. القسم الأول الهجر الممنوع، والثاني المشروع. الهجر في دريسي كالكان وغروب لدو صوت celle qui est légiférée, celle qui est interdite. La première, celle qui est interdite. Où tu n'as pas le droit de délaisser. Tu n'as pas le droit de ne pas lui parler. Tu n'as pas le droit de ne pas le regarder. Tu n'as pas le droit de te séparer. Hein? Le hajar qui est interdit. Interdit par qui? Par Allah, d'abord, par Ta'ala. Et la deuxième, celle qui est légiférée. Taïb. C'est bon? Celle qui est interdite, celle qui est légiférée. القسم الأول الهجر الممنوع سلكي انترديت. من أصول أهل السنة الاجتماع والاختلاف ونبدأ الفرق والاختلاف وأن يكون ذلك على الحق وبالحق وللحق. قد جاءت نصوص كثيرة تؤيد هذا المعنى وتنهى عن كل ما من سبيله أن يقطع أواصر هذا الأصل، ومن ذلك المنع من الهجر لأنه يتنافى مع هذا الأصل المقرر. Donc on a vu et on a prouvé avec les paroles qu'il a ramené le shir ici que le Coran et la Sunna ils nous ordonnent de quoi? D'être unis. Et ils nous interdisent de quoi? De nous diviser. والنصوص في الباب كثيرة. Donc on a dit qu'il y a beaucoup de textes par rapport à ça. Parmi les textes, ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. L'interdiction, on a vu que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit pas plus de trois nuits. Si tu veux faire la hijara de ton frère parce que il y a eu quelque chose entre vous, pas plus de trois nuits. كذلك في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وإلى مصنع المهم حديث وإلى مصنع وسيك et le meilleur c'est celui qui commence par le salam, c'est-à-dire celui qui reviendra le premier. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a dit ولا تدابروا ولا تدابروا on a dit et ne tournez pas le dos, ni le visage. Ne tournez pas le dos à vos frères, ni le visage à vos frères. وأيضا أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. هذا حديث عظيم. Les portes du paradis s'ouvrent le lundi et le jeudi. فيغفر لكل عبد مسلم. Il est pardonné à tout serviteur musulman. لا يشرك بالله. Qui n'associe rien à Allah. عبد مسلم لا يشرك بالله. يعني هو موحد. Qui n'associe pas à Allah. إلا رجلا. Sauf كانت بينه وبين أخي شحناه فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. Sauf deux hommes qui se sont séparés pour une raison, hein, ils ont quelque chose entre eux. Jusqu'à ce qu'ils reviennent, jusqu'à ce qu'ils se reparlent, et jusqu'à ce qu'ils rentrent, ils ont fini le hajar de l'un envers l'autre. Ceux-là font partie des gens. Même s'ils remplissent ces conditions-là, abd, muslim, la yushrik billah, mais ils ont fait un hajar. Il a délaissé son frère. Même s'il remplit les trois conditions qui ont été données au début, le fait qu'il ait cette quatrième condition-là, il ne lui est pas pardonné le jour du lundi et le jour du jeudi lorsque les portes du paradis sont. Donc ça montre encore que là-bas, c'est l'interdiction de se séparer, l'interdiction de se diviser. ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ما قال Al-Hafiz ibn Hajar fi al-Fath rahimahullah. Al-Hafiz ibn Hajar qui a fait char Sahih al-Bukhari, après avoir amené ce hadith, il fait un commentaire. استدل بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته والسلام عليه أثم بذلك لأن نفي الحلم يستلزم التحريم ومرتكب الحرام آثم. Ces hadith viennent prouver que celui, Arada, qui s'est détourné de son frère, musulman, qui ne lui adresse plus la parole, qui ne lui passe plus le salam, athima bidhalik. Il a commis un tort. Il a commis quoi? Un mal, un péché, un tort. Car le fait que par ces textes, Allah et son prophète, alayhi salat wa salam, on montrait l'interdiction de faire cette chose-là. S'il y a l'interdiction de faire cette chose-là, ça veut dire que si tu le fais, tu tombes dans quoi? Dans le haram. Et celui qui tombe dans le haram, forcément, qu'est-ce qu'il a pris? Un péché. Fais-toi. Et c'est la même chose qu'a dit Al-Hafidh Ibn Abd al-Barr, Al-Tamhid, Al-Nawawi, Kadalik, Fishar, Sahih Muslim, wa ghayru min ahli al-ilm. Donc ça c'est quoi le Hajar? Al-Mamnour. Donc on voit bien ici, on a vu quoi? C'est ce qui est interdit là. C'est le Hajar qui est interdit. Wal-Qismu Thani Al-Mashrour. Cette fois-ci, celle qui est permise. Celle qui est permise. تقرر في القسم الأول أن الهجر من أنواعه هجر ممنوع والتأمل في نصوص الوحي وكلام الصحابة وفي فعل السلف نجد أن ثمثا نوعا مشروعا من أنواع الهجر. Donc on a vu à la base que c'est une interdiction. Mais lorsqu'on regarde dans certains textes, من الكتاب ومن السنة ومن الأثار, on voit que Al-Hajar, il y a un Hajar qui a été permis. Qui a été permis. وَلَهُ مَقَاصِدُ عَظِيمًا وَلِهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالُ كَمَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْحَافِظِ بْنُ حَجَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلِ مِنَ الْعَامِ الْمَخْصُوصِ ومن هذا النوع الهجر المشروع هجر الرجل لزوجته وهجر الوالد لولده وهجر أهل البدع وأهل المعاصي والمجاهرين بها ونحو ذلك. Et comme l'a rapporté Al-Hafidh Ibn Hajar et d'autres parmi les ulama, c'est qu'on s'aperçoit quoi? Qu'il y a al-hajar al-mashrou'. Il y a al-hajar, c'est-à-dire le fait de délaisser une personne ou un groupe qui a été finalement qui est légiféré. Comme là, avec son épouse. Comme un père de famille avec son enfant. Comme le fait de délaisser les gens de l'innovation. Comme le fait de délaisser les gens qui commettent les péchés. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه محدث أبو داود سنن أبي داود معروفة. النبي عليه الصلاة والسلام, هذا كلام أبو داود, كلام أبي داود رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام هجر بعد نسائه 40 يوما. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما هجر ابنان اسمه بلال له إلى أن مات. انتهى كلامه رحمه الله. أبو داود رحمه الله يجيب في سننه سنن أبي داود. Le prophète صلى الله عليه وسلم a fait le hajar. Il s'est détourné de ses épouses 40 jours. Abdullah ibn Omar s'est détourné de son fils jusqu'à sa mort. Parce que son fils, il avait dit, il ne voulait pas que les femmes aillent à la mosquée. Et il est resté ferme là-dessus. Et Abdullah ibn Omar lui a dit, « Yabouni, le prophète Zassami nous a dit, n'empêchez pas vos femmes d'aller à la mosquée. Et toi, tu veux carrément interdire toute la femme les femmes d'aller à la mosquée. » Et il est resté là-dessus. On dit qu'il est mort sans lui avoir adressé la parole, jusqu'à sa mort. Le fils de Abdullah ibn Omar, qui est Bilal. قال العلامة ابن مفليح رحمه الله في الآداب الشرعية في الآداب الشرعية يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية ثم عقد فصلا فقال فصل في هجر الكافر والفاسق والمبتدع الداعي لبدعة مدلة إلى غير ذلك. ابن مفليح رحمه الله كان من كبار علماء. Il a dit dans son livre l'adab al-shar'iyya, il fait partie de la sunna le fait de délaisser ceux qui commettent les péchés par les actions, par les paroles ou par la croyance. Puis il a fait un petit, il a détaillé un petit peu par la suite et il a dit cela en fait partie pour al-kafir ou al-fasiq, celui qui commet les grands péchés sans se repentir, ou al-mubtadi', al-da'i ila bid'atin mudilla, ainsi que l'innovateur qui appelle à son innovation égareuse, si on peut dire comme ça. Min adillati hadha al-bab wa hadha al-qism qala Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant on a une preuve du Coran. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار في سوره هود verset 113. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? N'approchez pas ceux qui ont commis, ceux qui ont été injustes. N'approchez pas ceux qui ont été injustes. Ne vous penchez pas vers eux, vers les injustes. Ça veut dire quoi? Ne vous penchez pas vers eux. Il y a un idole de ta. N'approche pas. Ici, Allah Azza wa Jalla, il a demandé quoi? De ne pas approcher des gens injustes. قال العلامة القرطبي في الجامع رحمه الله في معنى الآية والصحيح في معناها قال. Dans l'explication de ce même verset, qu'est-ce qu'il a dit le Qurtubi? أنها دلالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم فإن صحبتهم إما كفر أو معصية إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce verset vient prouver le fait de faire l'hijra de أهل الكفر والمعاصي parmi les gens de l'innovation, ou autre que eux, ou autre que eux. Et le fait de fréquenter cette personne-là, imma kufrun aw ma'siyah, ou bien c'est une mécréance, il a dit kufrun, il n'a pas dit elle le kufrun. Kufrun aw ma'siyah, ou péché. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. Lorsque tu vois les gens prendre en dérision, se détourner de nos signes, se moquer de nos signes, qu'est-ce qu'il a dit Allah عز وجل? فأعرض عنهم, détourne-toi d'eux. Détourne-toi d'eux. حتى يخوضوا في حديث غيري, jusqu'à ce qu'ils reviennent à une autre conversation où ils ne prendront pas en raillerie les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jalla continue dans sa parole, وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ مَعَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dans le même verset, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, détends-toi d'eux. Dans le même verset, فَلَا تَقْعُدْ, يعني ne reste pas avec. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره par rapport à ce verset que l'on vient de ramener في سورة الأنعام verset 68. في هذه الآيات الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسات أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. الطبري رحمه الله parmi les grands savants du tafsir, qu'est-ce qu'il a dit dans ce verset? Il y a la preuve dans ce verset clair, une preuve claire sur l'interdiction de s'asseoir avec les gens du faux, quel qu'ils soient, comme parmi les innovateurs ou bien les gens pervers qui commettent les grands péchés comme ça ouvertement sans se repentir. De peur que quoi? Que leur main te touche. De peur que leur main ne t'atteigne. قال الإمام الطبري رحمه الله قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي. Tout le monde connaît l'histoire de Ka'b ibn Malik quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le hajr de lui et de deux autres, jusqu'à même que leur propre épouse ne pouvait pas leur parler. Il a donné juste l'autorisation à une parce que l'un d'entre eux était vieux, il ne pouvait pas se débrouiller soi-même. Alors il a permis à son épouse de s'occuper de lui. Mais même leurs épouses ne leur parlaient pas, ni leurs épouses, ni leurs parents, ni leurs enfants, ni le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni le Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Donc Tabari, rahimahullah, l'imam Tabari, il a dit, l'histoire de Ka'b ibn Malik, c'est la base. Yani ce texte-là, il y a une base pour trouver quoi? Le hajar. Le fait qu'on délaisse quelqu'un. قال الإمام البغاوي رحمه الله في شرح السنة معلقا عليهما عليها par rapport à l'histoire de Ka'b ibn Malik et que le prophète a fait le hajar de lui. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Baghawi في شرح السنة en commentant justement après avoir apporté l'histoire de Ka'b ibn Malik. فيه دليل على أن الهجران أهل البدع على تأبيد. Il a dit quoi? Il y a la preuve dans cela que le hijran, ahl al-bid'ah, les gens de l'innovation, dure à jamais. Le hijran de ahl al-bid'ah, elle dure à jamais. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un temps défini. Yani, c'est pas, tiens, au bout de 10 jours, tu pourras t'asseoir avec eux et retourner chez eux. Là, ta'bid, à jamais. Hatta yatuba ila Allah, jusqu'à ce qu'il se repentit de son innovation. Comme ce sera dit après. Bawwaba l'imam al-Bukhari fi sahih. L'imam al-Bukhari dans son sahih, on revient encore à lui, rahimahullah, fi kitab al-adab. Toujours kitab al-adab. Et on a vu que dans l'autre, ben, il avait interdit. Qu'est-ce qu'il avait interdit? Aïwa. Hein? Qu'est-ce qu'il a interdit? Il avait interdit de se détourner de son frère, il a amené la hadith, même al-Bukhari. Or cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a dit? Toujours dans le même kitab, kitab ou l'adab, dans le même chapitre. Quand on dit kitab, c'est le chapitre en vérité, qui se trouve dans Sahih al-Bukhari. Bab, là c'est un autre bab. Ma yajouzu min al-hijran liman asa, allaqa fihi tarfan min hadith Ka'b. هذا الأمر قراره غير واحد من العلماء كالخطابي رحمه الله حيث قال في معالم السنن معلقا على قصة الكعب قال إلى parlé puis il a dit quoi فيه من العلم أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب وموجدة أو لتقصير في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان من ذلك في حق الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق. وغيره من أهل العلم من العلماء. Il a dit quoi? Il a dit, on voit dans le récit de Ka'b ibn Malik, et comme il a été aussi rapporté dans Sahih al-Bukhari, rahimahullah, que la hijra de ton frère de plus de 3 jours, tu ne dois pas déplacer 3 jours. Mais ça, c'est pour des histoires de dunyawiyyah. Il y a ni entre vous, vous vous êtes disputés, vous avez eu un malentendu entre vous, là t'es énervé contre lui, il est énervé contre toi. Mais sans que ça touche la religion. C'est-à-dire, ce qui vous a séparé les 3 jours-là, ce n'est pas une question de religion. C'est une question de quoi? La dunya. La dunya, il y a des affaires entre vous. Qu'est-ce qu'il dit? Donc ça, c'est 3 jours. Douna makana min dhalika fi haqqiddin. Mais ne sont pas concernés par ces 3 jours lorsque là, on touche quoi? La religion. Lorsque là, c'est un problème de religion, c'est un problème de din. Qu'est-ce qu'il dit? فَإِنَّ هِجَرَةَ أَهْلِ الْأَهْوَى وَالْبِدْعَ دَائِمَةٌ. Car le fait de faire hijra, de délaisser les gens des passions, les gens de l'innovation, cela reste à jamais, quel que soit le temps et l'époque. مَا لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُمْ. Tant que n'est pas apparu chez eux quoi? التَّوْبَةُ وَالرُّجُعِ الْحَقِّ. Tant que n'est pas apparu chez eux, chez les gens de la passion et les gens de l'innovation, quel qu'ils soient, le repentir sincère et de revenir à la vérité. Donc, il y a le hajar qui est interdit, et que la base chez les musulmans, c'est qu'ils s'unissent. Ça, c'est la base. L'union. Al-Tuhid, Al-Kitab, Al-Sunnah. Ensuite, il y a le hajar qui est permis. Quand par exemple 3 jours, pas plus de 3 jours. Ça c'est quand c'est des histoires de la dunya entre vous. Entre nous, tu t'es envoyé avec un frère, etc. Mais quand c'est du domaine de la religion, il n'y a plus de temps. Jusqu'à ce que la personne qui fait partie des gens de l'innovation, des gens de la passion, jusqu'à ce qu'il se soit repenti et qu'il soit revenu de son erreur. Et qu'il est revenu à la vérité. إن الهجر الشرعي عبادة من العبادات. Troisièmement, il faut savoir que le hajar qui a été légiféré, le fait de délaisser quelqu'un en groupe, عبادة من العبادات, c'est une adoration parmi les adorations. والعبادة يجب أن تكون على وفق الشرع المطهر. Il n'y a pas de doute que l'adoration, quelle qu'elle soit, même si l'on parle de l'hajar, il faut qu'elle soit quoi? En conformité avec la religion d'Allah. Sinon, ce n'est pas bon. Que ce soit ta prière, ta zakat, ton jeûne, ton siyam de Ramadan, ton commerce, tout, il faut que ce soit conforme à quoi? À la religion d'Allah. Donc cela, ça veut dire que si on dit que l'hajar, ça fait partie de l'ibada, il faut que l'hajar aussi, il soit conforme à la religion d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. والعبادات كلها لها مقاصد شرعية. إن عبادة لصلاة الجفير بالله، il faut que tu saches qu'elle a quoi. Elle a un but. Elle a un but précis cette ibada. Elle est là pour ramener quelque chose, ou pour te protéger d'un mal, ou pour te ramener du bien, ou pour t'épargner un mal. فما من عبادة إلا ولها مقاصد شرعية. Il n'y a pas une adoration sans qu'elle ait quoi? Elle ait un but bien précis. Si Allah te l'a légiféré, c'est pour quelque chose. Minha al-dahir wa minha ghayr al-dahir. Quelquefois c'est quelque chose d'apparent, quelquefois c'est quelque chose qui n'est pas apparent. Famathalan al-zakat. Si on prend zakat par exemple. Minha taskiyatu al-mal wa minha tathir al-mar'i. ومنها مواساة المؤمنين من الفقراء ومن هم من أهلها إلى غير ذلك وكذلك الصلاة فيها مقاصد شرعية وكذلك الحج له مقاصد شرعية وهكذا. La zakat, elle est légiférée. Qu'est-ce qu'elle a comme but? De te purifier de tes péchés. Tu prends de ta zakat, tu donnes, t'es en train de te purifier de tes péchés. Zakatul Mal ou Zakatul Fitr. Zakatul Fitr permet aussi de rattraper les manquements qu'on aurait pu avoir durant le mois de Ramadan. Il y a aussi quoi comme but? C'est le but d'aider les nécessiteux. C'est que le riche, il donne aux pauvres pour les aider. Maintenant, il y a des buts dans une ibad lorsqu'elle a été légiférée. C'est pareil pour la prière. C'est pareil pour toute forme d'adoration, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas une adoration qu'Allah a révélée dans son livre et la sunna sans qu'elle ait un but qui est de te ramener le bien et de te protéger du mal. Donc si on dit que le hajj fait partie de l'ibada et que l'ibada a un maqasid, qu'elle a un but bien précis, ça veut dire que le hajj il a un but bien précis et qu'on ne fait pas le hajj de quelqu'un comme ça ou bien d'un groupe comme ça, comme il disait, pour le beau temps, comme ça. J'ai pas envie de lui parler, je parle pas. Là, maqasid, il y a des buts précis à ça. Quand tu fais le hajj, il y a des buts bien précis. Al-Maqsid al-Awwal. Al-Maqsid al-Awwal. Le premier but de la hajj. Tahqiq al-Ubudiyyah lillah. Dhalika al-hajj lillah wa fillah ibadatun. Ibadatun lillah. فالقيام به يجب أن يكون خالصا ووفق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. Donc le hajar, il est fait pour Allah. Le hajar est comme une ibada quand il est fait, quand cette séparation est faite pour qui? Lillah. Pas pour toi. Lillah. Tabaraka wa ta'ala. Donc ça sous-entend que si ça devient, si c'est fait pour Allah, ça deviendra une ibada que tu fais. Or cette ibada, il faut qu'elle soit faite sincèrement pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Ma dalil ala hada al-maqsid? Quelle est la preuve de ce but d'accomplir une adoration? Si tu fais le hajj, sache que tu vas accomplir quoi? Une adoration. الأدلة في الباب كثيرة منها ما سبق ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وكما في قوله تبارك وتعالى كما قلنا فلا تقعدوا معهم. قال العلامة القرطبي في الجميع إذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بينا فَتَجَنُّبُ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَى أَوْلَى. Par rapport au verset qu'on a ramené, quand Allah Azza wa Jalla a dit, détends-toi d'eux, lève-toi, ne reste pas avec eux. Hein? Ne te penche pas vers les gens injustes. Al-Qurtubi l'a dit, s'il a été confirmé de s'éloigner des gens des péchés, alors il est encore plus confirmé de s'éloigner des gens de l'innovation et des gens de la passion. Fibab Aula. Si quelqu'un qui commet des péchés, on doit se séparer de lui de peur que le péché nous touche, ou bien pour lui faire comprendre que ce qu'il fait, c'est pas bien. Alors qu'est-ce qu'il en est des innovations? Comme ils ont dit salaf, le bid'atu ahabbu ila shaytan min al-ma'siyah. L'innovation est plus aimée au diable que le péché. Quelqu'un qui commet un péché, il sait que ce qu'il fait, c'est haram. Tu vas lui dire, taqillah. Il va dire, je sais, astaghfirullah, je sais ce que je fais, c'est pas bien. Inch'Allah, atubu ila Allah. Il sait ce qu'il fait, c'est pas bien. Il voit, il sait que c'est pas bien. Muslim. Il fait zina, il fait zina ou des grands péchés, il vole ou il triche, il sait ce qu'il fait, c'est pas bien. Amma al-bid'a, l'innovation, il croit que c'est bien. Parce que c'est avec ça que lui se rapproche d'Allah. Donc il ne sait pas que c'est pas bien. Et en vérité, il est en train de, au lieu de se rapprocher d'Allah, de s'éloigner d'Allah, d'abord la kawata'ala. Donc si ceux qui commettent les péchés, on peut faire le hajar de lui, avec les conditions comme on le ramènera plus tard, qu'est-ce qu'il en est de celui qui fait pire que le péché, qui est l'innovation? Il a touché la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il l'a changé. Il a porté atteinte à din. C'est une question de din. Qala Allah azza wa jalla, fala taq'udu ma'ahum. Alaysa hadha nahyan min Allah? Quand Allah dit wa la ta'udu ta'udu fa la ta'udu ma'ahum. Ne t'assois pas avec eux. Qui interdit ici? Qui l'interdit? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam Allah azza wa jal. C'est un verset du Coran, c'est Allah. Il interdit à qui? Un Nabi alayhi salatu wa salam. Wa ashabi radiallahu ta'ala anhu. Ça c'est pour le Nabi alayhi salatu wa salam wa ashabihi. إذا قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار أليس نهيا؟ ici c'est pas encore une interdiction. Oui c'est une interdiction encore. إذا نهى عن أمر لا يفهم bien écouter. إذا نهى عن أمر si Allah interdit une chose إذا هو يأمر بضده. Quand Allah interdit une chose, ça veut dire quoi? Qu'il t'ordonne le contraire. وضد الجلوس إليه المفارقة والقيام. C'est quoi le contraire de s'asseoir? C'est de se lever et de se séparer. Ne reste pas avec eux, ne t'assois pas avec eux. C'est quoi le contraire? Si Allah Azza wa Jalla t'ordonne de ne pas t'asseoir, de ne pas rester, ça veut dire qu'on a dit qu'il t'ordonne le contraire, qui est de te lever et de partir. C'est pas fini. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ إِذَا الْمَأْمُورُ عَدَمُ الْقُعُودِ لَمَّ نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ عَنْ هَذَا تَدَمَّنَ الْأَمْرُ بِلِدِّي. Donc, si Allah a ordonné cela, c'est qu'il t'a ordonné. S'il t'a interdit cela, c'est qu'il t'a ordonné le contraire. Car l'interdiction d'une chose, c'est de faire le contraire. Et lorsqu'Allah ordonne une chose, ou qu'il déteste une chose, ça veut dire qu'il aime quoi? Que tu fasses ce qu'il t'a ordonné. S'il t'a ordonné de venir, de t'asseoir, alors tu dois le faire. Comme il a dit de rester avec les gens qui sont pieux, les gens qui ont taqwa Allah et Azza wa Jal, les gens qui se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Dans beaucoup de versets, Allah Azza wa Jal nous ordonne de rester avec ces gens-là, de ne même pas les quitter des yeux. Si Allah Azza wa Jal t'ordonne une chose, c'est qu'il aime que tu la fasses. Si Allah Azza wa Jal t'interdit une chose, c'est qu'il aime que tu fasses le contraire. C'est qu'il aime que tu te lèves et que tu pars. وَكَوْنُهُ يُحِبُّهُ إِذَنْ هِيَ طَاعَةٌ. Si Allah aime la chose, ça veut dire quoi? C'est que c'est une obéissance. وَطَاعَتُهُ عِبَادَةٌ. Et son obéissance, c'est quoi? C'est une adoration. Al-ibadatu, maintenant on en revient à quoi? C'est quoi l'ibadah? Comme il a dit cher l'Islam Temiya. Ismun jami'un. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Al-ibadah, c'est quoi? Ce mot-là, al-ibadah, c'est quoi? C'est ce qui regroupe ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, aime et agréé. Min al-qawli, comme parole. Wal-af'ali, comme action. Al-zahira wal-batinati, qu'elle soit apparente ou qu'elle soit cachée. Yani fil qalb. Kama qala al-imam ibn Taymiyyah wa ghayruhu. Wa hadha al-qawlu yuqalu fi kulli al-ayat fi hadha al-maqam. Donc à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala il interdit, il dit ne t'assois pas avec eux, lève-toi, c'est qu'il n'en donne pas en vérité ici une adoration. Parce que le fait de lui obéir là-dessus, c'est que tu seras sur l'obéissance. Si tu es sur l'obéissance, c'est que tu es dans une ibadah. Si tu es dans une ibadah, ça veut dire qu'Allah il aime cette chose-là. Parce que la définition de l'ibadah, comme il a dit Charles Samdemiya, hein, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. c'est qu'Allah il aime que la personne elle se lève et qu'elle part. C'est qu'Allah Azza wa Jalla il aime, il agrée que la personne se lève et elle part. Dans quel contexte? Dans le contexte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, dans ces versets-là. C'est que tu es devant des gens qui prennent en dérision les signes d'Allah, le Coran, le Sunnah, ou bien qui font partie de Ashab al-Hawa, al-Bid'ah, le Shirkiyat, il a créé. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى ولا تطع من أقبلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله عز وجل dit aussi dans le Coran, n'obéis pas. Il parle à son prophète عليه الصلاة والسلام. N'obéis pas qui? من أقبلنا قلبه عن ذكرنا. N'obéis pas, ne suis pas celui qui a quoi la rafla, qui s'est. Comment on dit la rafla? L'insouciance. Qui est insouciant du rappel de notre rappel, yani du rappel d'Allah. S'est détourné du rappel d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Qala Sheikh Al-Allama Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti Rahimahullah fi Adol Bayan. Adol Bayan, c'est le tafsir du Coran de la Coran. Ça montre son niveau. Rahimahullah. محمد أمين الشنقيطي كيف قال دي نهى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات الكريمة عن طاعة من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد قرر في القرآن نهي نبيه عليه الصلاة والسلام عن اتباع هذا الغافل عن ذكر الله المتبع لهواه. Il dit quoi dans son commentaire, dans son tafsir? Allah Azza wa Jalla interdit son messager عليه الصلاة والسلام dans ce verset d'obéir à quelqu'un qu'Allah Azza wa Jalla a éloigné de son rappel, a éloigné son cœur de son rappel et qui suit sa passion. Donc dans le Coran, nous avons ici l'interdiction au messager d'Allah alayhi salat wa salam de suivre هذا الغافل عن ذكر الله المتبع لهوى. Nous avons l'interdiction du prophète d'Allah sur son prophète alayhi salat wa salam de suivre celui qui a délaissé le rappel d'Allah et qui suit quoi? الهوى, qui suit sa passion. ومن السنة, ça c'était les versets du Coran avec tafsir. ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا قول الله عز وجل تعالى من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه يعني من هذا الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا هذه الآيات قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله ثم قال فاحذروهم تحذيرا فاحذروهم. عائشة رضي الله عنها lorsqu'il a lu le verset du surat Ali Imran, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a mentionné ce que nous avons révélé sur toi comme livre, et que dans ce livre se trouve Ayat Muhkamat, c'est-à-dire il y a dans le Coran des versets qui servent de base, et que certains versets que le commun des musulmans ne peut pas comprendre doit revenir, faire revenir ces versets qui pourraient être ambigus pour lui, mais qui ne le sont pas ni pour Allah ni pour les gens de science, ces versets-là, il doit les faire revenir au verset de base. C'est Allah lui-même ici qui décrit son livre. Tabaraka wa ta'ala, kalam Allah, le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Minhu ayatul muhkamat, umul kitab. Il y a dans ce livre, sur lequel j'ai révélé, il a révélé sur son prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam, des versets qui servent de base, de règle, qu'on appelle umul kitab. Allah Azza wa Jalla lui-même les a appelés comme ça. Tabaraka wa ta'ala, umul kitab, la mère du livre. Sont des versets de base. Et d'autres versets qui peuvent être ambigus. Et Allah Azza wa Jalla a décrit Ahlul Bid'a wal Hawa dans ce verset lorsqu'il a dit Faman ladina fi qulubihim zayrun, ceux qui ont cette maladie dans le cœur. C'est quoi la maladie? Fayattabi'una ma tashabbaha minhu. Au lieu de revenir aux versets qui servent de base, ils délaissent les versets de base, ils ne vont chercher que les versets qui pourraient être ambigus. Et tu me diras, mais pourquoi? Pourquoi ils font ça? Allah Azza wa Jalla sait mieux que nous pourquoi. Il nous dit pourquoi. Madaqal, ibtiraha al-fitna. Pour semer le trouble. Pour semer le trouble. Allah Azza wa Jalla a'lamu minna ala khalqihi tabaraka wa ta'ala. Pour semer le trouble. C'est fini, non? Et chercher leur propre interprétation. Non plus de faire revenir ces versets qui pourraient être ambigus pour nous, puisqu'on est ignorant, non pas les faire revenir aux versets de base ou demander aux gens de science, non. Les prendre eux-mêmes et faire leur propre istidlal, leur propre argumentation. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Nul ne connaît leur interprétation à ces versets qui pourraient être ambigus dans la compréhension qu'Allah, Allah seul, par la permission d'Allah, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Al-ulama et ceux qui sont bien ancrés dans la science. Qui disent quoi? يَقُولُونَ أَمَنَّ بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Nous on prend tous les versets. C'est pas on va prendre une partie du livre et on laisse, et une autre partie du livre et on laisse. Il y a des sons faits, des sons là, on prend tout. Et la règle chez les gens de la sunna, c'est quoi? J'aime un moussous, c'est de réunir les textes. Si un texte il dit ça et l'autre texte il dit ça, peut-être tu pourrais croire que ça se contredit. Non, j'aime un moussous. Comme l'a expliqué Cheikh Al-Fatimi, rahmallah. C'est de réunir les textes, il y a une explication. Seulement, tu es obligé de revenir aux gens de science pour ça. Et tout vient de notre Seigneur, c'est-à-dire qu'ils ont confiance en Allah subhanahu wa ta'ala sur ce qu'il a révélé. Et ne se rappellent de cela que les gens doués de discernement. Une fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a lu ce verset. Aïcha, radhiyallahu anha, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, après avoir lu ce verset, qu'est-ce qu'il a dit? فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Lorsque vous les voyez, ces gens-là, qui sont décrits dans le verset, qui suivent ce qui est ambigu et qui délaissent les versets de base et de règle. فَأُولَيْكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهِ يَعْنِي خَيَدِ الْأَيْهِ. C'est ceux-là qu'Allah a nommé dans le verset. Lorsque vous voyez des gens qui courent qu'après le shubuhat, ils ne ramènent que le shubuhat. Comme il a dit Ahad min al-ulama à son élève, au lieu d'être une éponge qui absorbe le shubuhat, soit une éponge qui nettoie le shubuhat. Lorsque tu vois ces gens-là, qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont ceux-là qu'Allah a nommés. C'est-à-dire dans le verset juste avant. Est-ce qu'il s'arrêtait là? Là. Qal, fahdaruhum. Mettez en garde contre eux. Fahdaruhum, tahdir. Prévenez contre eux. Attention à eux. Parce qu'ils viennent avec Shubha. Ou le Kadir. Comme a dit Ahlul Ilm, la yumkin al-dajila. Mubtadi'an sadiqan. Tu ne peux pas trouver un mubtadi' qui est véridique dans ce qu'il dit. Ils viennent toujours avec des mensonges. Ils mentent sur les ulama. Ils prennent une partie de ce qu'ils disent les ulama, ils ne prennent pas l'autre partie. Ou bien ils coupent. Un exemple simple. Qui date de peu de temps, au moins que d'autres avant l'ont fait, c'est possible. Cheikh Salah Al-Fawzan, des gens ont été dire que Cheikh Salah Al-Fawzan Il ne voit pas le jahra ta'dib, la critique et l'éloge. Donc par cela, il ne voit pas le fait de prévenir contre les innovateurs. Kalamuhum, ça c'est leur parole. Alhamdulillah, il y a un had min talabat al-ilm qui est parti voir Cheikh Salah al-Fawzan et qui a enregistré, qui lui a dit: Cheikh, il y a des gens qui prennent ta parole lorsque tu as dit il n'y a pas le jahra wa ta'dil à notre époque. Il n'y a plus de jahra wa ta'dil à notre époque. Donc ils prennent cet argument-là pour dire que tu dis, Yachir, qu'il n'y a plus le fait de prévenir contre les innovateurs. Faites sincère avec Allah. Qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh? Là, ce que je vois, c'est que jahra wa ta'dil, je le classe dans mustalah al-hadith, c'est-à-dire dans la science du hadith, qui est la science des hommes dans les chaînes de transmission des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, il a dit, un homme il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit à un autre, qu'il a dit à un autre, qu'il a dit à un autre, jusqu'à ce qu'on arrive à Bukhari, ou bien Muslim, Abu Dawud ou autre. Sanad, la chaîne. Sanad, hein, avec la chaîne. Il a dit ça, jahra wa ta'dil, c'est ça pour moi. C'est ilm al-rijal, la science des hommes dans les chaînes de transmission. Amma al-tahdir, quant au fait d'avertir contre les gens de l'innovation, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, ça rend dans quoi? Al-nasihatu lil-umma. Al-nasihatu lil-umma. Ça, ça rend dans quoi, il dit? Ça rentre dans le fait de conseiller la communauté. Et ça fait partie de la religion d'Allah. Là, on comprend mieux. Mais rien d'étonnant à cela. Des gens ont joué avec la parole d'Allah. Ils ont joué avec la parole du prophète. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'ils jouent avec la parole des ulama? Puisque même le ulama, même Cheikh Salah al-Fawzan lui-même, il le dit. Lui-même, il le dit. Il a dit, pourquoi vous vous étonnez? Il joue avec Kalam Allah, il joue avec Kalam al-Rasoul. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'il joue avec la parole des ulama? Dans l'explication, dans la parole du prophète sallam, quand il a dit, فَحْذَرُوهُمْ وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ مَا قَالَ الْحَافِظَ النَّوَوِيَ رَحِمَ اللَّهِ فِي شَرْ صَحِيَ مُسْلِمْ قال في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزير وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. الإمام النووي رحمه الله dans son explication de Charh Sahih Muslim, il a expliqué, après avoir expliqué la parole, il a expliqué la parole du prophète lorsqu'il a dit فاحذروهم. Il a dit, il y a dans ce hadith la prévention, l'avertissement quant au fait de se mélanger aux gens malades, qui ont cette maladie dont il est question dans le verset que l'on a mentionné, ainsi que les gens de l'innovation, ainsi que ceux qui suivent al-mushkilat, les fitna, hein, ils suivent les shubuhat, tout ce qui est ambigu. Pourquoi? Les fitna, pour semer le trouble. Al-qul fitnahi, fahdharuhum. Quand il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, prévenez contre eux, avertissez contre eux. كقولي في الآيات السابقة فلا تقعدوا ولا تركنوا إلى غير ذلك دل على أن الذي يحبه الرسول يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحذر من هؤلاء وعدم الجلوس وكونه يحبه إذا هو عبادة لله جل وعلا. Donc ici, comme on a dit qu'Allah Azza wa Jalla, il a ordonné de se lever et de partir, et qu'il aime ça, qu'on fasse cette chose-là, ici le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aussi, il a ordonné d'avertir. Donc ça veut dire que le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il aime cette chose-là, puisqu'il l'a ordonné. Et s'il l'a ordonné, c'est de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaqul Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, muqarriran hadha al-maqsid, falahijaratu. شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام. الهجرة الشرعية celle qui est légiférée, non pas celle qui est pas légiférée, celle qui est légiférée. Elle fait partie des actions qui ont été ordonnées par Allah et son prophète عليه الصلاة والسلام. فالطاعة, donc l'obéissance, لابد أن تكون خالصة لله. Il faut qu'elle soit cette obéissance, et notamment cette hijra al-shar'iyya, faite sincèrement pour Allah. وأن تكون موافقة لأمره فتكون خالصة صوابا. Donc elles sont en conformité avec la sincérité, en conformité avec la sunna. فمن هجر لهوى نفسه. Et ça c'est important. Parce que la majorité c'est ça. C'est ça qui est commis chez nous. فمن هجر لهوى نفسه. Celui qui fait le hajar de son frère ou d'un groupe en suivant sa propre passion. Ou hajar hajran ghayr ma'murin bihi. Ou qui a fait un hajar qui n'a pas été légiféré ou ordonné par Allah et son prophète alayhi salam. Kana kharijan an hada. Il n'est plus dans l'obéissance d'Allah, il est sorti de ça. وَمَا أَخْذَرَ مَا تَفْعَلُ النُّفُوسِ مَا تَهْوَاهُ ظَنَّةً أَنَّهَا تَفْعَلُ طَاعَةً لِلَّهِ. Et combien, si ce n'est pas la majorité, pensent qu'ils sont en train de faire une hijra ou l'hajra d'une personne, légiférer alors qu'ils ne sont pas du tout dans cela. Ils croient qu'ils le font en étant obéissant à Allah, alors qu'en vérité, non. فَيَنْبَعِدْ. Donc il est demandé, il faut de discerner entre la hijra et le hajar pour le droit d'Allah ou bien discerner quelqu'un qui fait la hijra, si tu fais la hijra de quelqu'un, est-ce que tu le fais pour Allah ou bien tu le fais pour satisfaire ta propre personne. فالأول مأمور به. Si c'est pour le droit d'Allah, ça a été ordonné. C'est légiféré. والثاني منهي عنه. Quant au deuxième, si c'est pour satisfaire ta personne, ça a été interdit. Ça c'est المقصد الأول. تحقيق العبودية لله عز وجل. Donc quand tu fais le hajar de quelqu'un, sache que c'est quoi pour accomplir une adoration. Thaniya, al-maqsid al-thani. Tahqiq al-wala' wal-bara'. En faisant le hajar, tu vas appliquer quoi? L'aveu et le désaveu. Min al-maqasid al-shar'iyya lil-hajar. Tahqiq 'aqidat al-wala' wal-bara'. Wal-hubb fi Allah wal-bughd fi Allah. لأن المؤمن مأمور بذلك. قال العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله في منهاج أهل الحق: وما الدين إلا الحب والولاء كذاك البراء من كل غاو وآثم. Deuxième chose qui est voulue lorsque Allah عز وجل a légiféré الهجر, le fait de délaisser quelqu'un, c'est que tu vas accomplir et appliquer la croyance qui est le désaveu de désaveu. Le fait d'aimer et de détester pour Allah. Aimer pour Allah et détester pour Allah. Et le croyant a été ordonné par cela. Comme il a rapporté dans le sens Souleyman ibn Sahman, c'est-à-dire qu'il a mentionné sous forme de poème que la religion, elle n'est que aimer et l'aveu, c'est-à-dire s'allier, ou bien se désavouer de tout ce qui est mauvais et mal. Fi surati Hud, qala Allah azza wa jal, reprend le verset avec lequel on était venu, bi aqwal al-ulama wa la tarkanu ila alladhina dhalamu fatamassakum an-nar. Ne te penche pas vers ceux qui ont été injustes. وحقق الأئمة رحمهم الله نباه على تحقيق هذا الأصل في مصنفاتهم من هذا ما قاله الإمام أبو داود في سننه في كتاب السنة باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم وبوب أيضا كذلك أبو داود في سننه باب ترك السلام على أهل الأهواء وبوب الإمام البغوي رحمه الله في كتابه العظيم شرع السنة باب مجانبة أهل الأهواء، وترجم الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب باب الترغيب في الحب في الله والترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرء مع من أحبه وغيره كثير. Les savants de la Sunna ont ramené plusieurs fois le fait d'accomplir cette base qui est al-wara'i wal-bara, l'aveu et le désaveu. Comme l'a apporté l'imam Abu Dawud dans son livre de hadith, Kitab Sunna, chapitre de la Sunna, sous-chapitre, le fait de s'éloigner des gens de la passion ou aborder, le fait de les détester. Il a mis un autre chapitre qui s'appelle Tarkis Salam ala Ahlil Hawa, le fait de ne pas passer le salam, d'abandonner le salam, hein, ni de le donner, ni de dire salam alaikum, ni de répondre aux gens de la passion. Il a mis un autre chapitre, aussi, le Baraoui, fi kitab al-Azim, shar sunnah, sous-chapitre, l'éloignement des gens de la passion. Al-Hafidh al-Mundhir, rahimallah, dans son livre, Targhib wa Targhib, ma'ruf al-kitab. Targhib, yani, c'est l'encouragement. Wa Targhib, c'est le fait d'avertir. Qu'est-ce qu'il a mis? Chapitre, l'encouragement à l'amour dans Al-Hubbu fillah, le fait d'aimer pour Allah. Et l'avertissement dans le fait d'aimer tout ce qui est mauvais et les gens de l'innovation. Hein? وقرر هذا الأئمة في مصنفاتهم المؤلفة في اعتقاد أهل السنة المختصر منها المطول. Donc les savants de la Sunna, ils ont écrit plusieurs ouvrages là-dessus sur le fait d'aimer pour Allah, détester pour Allah, le fait de délaisser certaines personnes, de ne pas leur passer le salam, etc., etc. ومن ذلك ما قاله الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث. الإمام الصابوني l'a écrit dans son livre. Qu'est-ce qu'il a dit? قال يعني أهل السنة, en parlant des gens de la Sunna, ويبغضون أهل البدع, ils détestent les gens de l'innovation, الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه, qui ont innové, qui ont ramené des choses nouvelles dans la religion d'Allah alors qu'elle n'en faisait pas partie, ولا يحبونه ويبغضونه, ils ne les aiment pas, ils les détestent, ولا يحبونهم ولا يصحبونهم. Et ils ne les aiment pas, ils ne les prennent pas comme amis. Ils n'écoutent même pas leurs paroles. Ils ne s'assoient pas avec eux. Faut même pas de conversation avec eux. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui cherchent à. Ils ont le shubha, ils veulent la donner dans les gens qui sont autour. Alors ils viendront toujours pour faire quoi? Le niqash. Pour parler en public. Viens, il faut qu'on parle en public, afin que les gens qui sont autour connaissent la vérité. Comme ça, sa shubha, il va la ramener aux gens qui sont autour. Et comme ce sont des gens qui mentent sur les ulama ou qui mentent sur les livres d'Allah et la Sunna, le fait dans science ou quelqu'un qui ne connaît pas, il va partir avec des doutes, quoi qu'il arrive. Il va partir avec cette maladie. لا يجادلونه كما قال الإمام أحمد في أصول السنة قال من أصول السنة ترك الخصومات والجدال. Ça c'est réservé aux gens qui ont du ilm, la science, le ulama. Eux ils vont parler avec la personne. Non seulement ils vont le corriger, en plus ils vont nettoyer les choubouettes et autres. ويرون صون أذانهم عن سماع أباطلهم التي إذا مر بالأذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت إلى آخر كلامه رحمه الله. Il détournait leurs oreilles de ça. L'imam Ahmad, un jour son fils est rentré, il lui a dit: bouche tes oreilles, ya Abdallah. Pourquoi? Parce que le Moutadir est en train de parler. Bouche-les. L'imam Ahmad, c'est l'homme un million de hadith. Ahadith, un million. Sahih et Daif confondus. Et inventé confondus aussi. Un million. Quelqu'un connaît un million d'ahadith. Imam Sunna, il n'a pas accepté d'écouter ni son fils qui l'écoute. Et nous, on peut se permettre de venir, de s'asseoir chez n'importe qui, d'écouter comme ça. Tu te crois à l'abri. Comme ils ont dit salaf, il y avait des gens qui insultaient carrément. et qui se moquaient de Mubtadi'a, et aujourd'hui ils sont avec eux et ils font la guerre aux gens de la Sunna. Le Haribuna. Ne te crois pas à l'abri de ces choses-là. فمن تطبيقه العملي لهذا المقصد ما جاء في سير أعلام النبلاء سير أعلام النبلاء في ترجمة ثور ابن يزيد الحبسي ça pour prouver que les salafs ils ont fait ce genre de choses donc il va ramener un il va rappeler une histoire par rapport à ça أن أبا توبة الحلبي قال حدثنا أصحابنا أن ثورا لقي الأوزاعي ثور إلى ثورة إلى ثور ثور إلى كوازكي الأوزاعي الأوزاعي كنوا من أهل السنة فمد يده إليه تطنج لما مسافح فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه إلى رفز دولي تطنج لما لو با تطنج لما وقال يا ثور دونك انا في الاشاره دو بابي الى في الاشاره با كوا ها البدن par le corps ça pas mais ce qui fait l'hajar par la parole on ramène ça parce qu'on va expliquer plus tard est-ce qu'il fait l'hajar de la parole ici non donc on voit que c'est une hijra partielle pas complète. طيب سأقول نسخ قرآن في بيدنا ماذا قال؟ قال يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقربة si c'était pour la dunya si c'était une histoire de dunya entre toi et moi يعني je me serais rapproché de toi y'a pas de souci ولكنه الدين mais là il s'agit de quoi? De religion. والسبب في إعراض الإمام الأوزاعي عن ثور أن ثورا كان يرى القدر. Il avait pas un problème dans l'imam bil qadar. Il avait innové dans cette masala, dans cette question du qadar, du destin. Là, sa foi au destin n'était pas conforme aux gens de la sunna. C'est pour ça qu'il lui a dit quoi? يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقربة لكنه الدين. Mais là, c'est une question de religion. Voilà pourquoi je ne te sers pas. شوف أدب السلف. وكان من أئمة السنة. Il est un imam de la sunna. Mais il faut bien faire attention. Qui fait quoi? Pourquoi tu le fais? Comment tu le fais? C'est pour ça que ça, si c'est mal fait le hajar, ça peut faire des dégâts. Là où il n'y a pas lieu d'avoir des dégâts. Hein? On garde ça, mais on va réexpliquer après, pour que ce soit plus clair. وأخرج الإمام أبو نعيم في الحلية أن يوسف ابن أصباط قال سمعت سفيان الثوري يقول إذا أحببت الرجل في الله parce que certains ils disent والله si tu le fais le hajar là tu dis que t'aimes les croyants et tu fais le hajar de cette personne là là tu l'aimes pas tu l'aimes pas en vérité ben non on va retourner à Salaf qu'est-ce qu'il disait qu'est-ce qu'il a dit سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا أحببت الرجل lorsque tu aimes un homme tu l'as aimé pour Allah في الله pour Allah ثم أحدث في الإسلام حدثا mais cet homme là que tu as aimé il a innové dans la religion d'Allah فلم تبغضه عليه فإنك لم تحبه في الله. Si tu ne détestes pas pour Allah, pour avoir innové dans la religion d'Allah, ne me dis pas que tu l'aimes pour Allah. Ça revient à quoi? Aimer pour Allah. Lilhaq wa bilhaq. Et par la vérité. On a bientôt fini, inshallah. وقرر هذا الأمر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع حيث قال قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشريعته باطنا وظاهرا هي موجب محبة الله ثم قال شيخ الإسلام كما في الحديث: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Cher l'Islam, Rahmallah, dans l'explication du verset, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Il a dit, fait partie de la sunna, le suivi de la sunna du messager d'Allah, alayhi salat wa salam, et de suivre sa sharia, batinan wa dhahiran, ce qui est caché, apparent. Cela ramène quoi? Et montre quoi? L'amour d'Allah. Si quelqu'un suit la sunna, c'est qu'il aime Allah. Par rapport au verset qui a été mentionné. Comme il a été rapporté dans le hadith, dans plusieurs hadiths, car les chers de Saint Taymiyyah, les bons fruits de l'Iman, c'est quoi? C'est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. C'est là qu'on voit les fruits de l'Iman, l'Iman sahih. Il aime pour Allah, il déteste pour Allah. Il aime ce qu'Allah aime et il déteste ce qu'Allah déteste. Comme dans l'autre hadith, celui qui a aimé pour Allah, qui a détesté pour Allah, qui a donné pour Allah, qui a empêché pour Allah, celui-ci a obtenu la perfection de la foi. وكثير من يدعي المحبة. Donc beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment المحبة المحبة, ils aiment ses frères soi-disant. هو أبعد من غيره عن اتباع السنة. Ce sont des gens qui sont les plus éloignés de la sunna. وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ce sont les gens les plus éloignés dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره. En te disant, c'est mieux que tu te taises, ne dis rien. Ne parle pas, ne dis rien. C'est ça la mahabba. C'est ça quand t'aimes ton frère. Sinon tu vas le vexer. Sinon tu vas le vexer. Sinon tu vas le blesser. Donc il légitime le fait d'aimer quelqu'un. Hein? Il légitime quoi? Le fait qu'il ne faut pas lui interdire le blâmable. Ou bien il ne faut pas faire le hakar de lui. Pourquoi? Parce que ça va blesser. Ces gens-là, ils mettent ça sous le quoi? Sous le nom de Al-Mahabba. L'amour de ton frère. Les a'mihi anna tariq al-mahabba laysa fi ghayratun wa la ghadab lillah wa la khilaf ma dalla alayhi kitab wa sunnah. Donc ils veulent dire quoi? Selon leur mensonge, que la voie qui mène à l'amour entre nous, c'est quoi? Hein, si tu veux vraiment ramener l'amour entre nous, eh ben, il ne faut pas s'interdire le blâmage. Il ne faut pas faire le hajar. Il ne faut pas que je te dise tu as fait telle erreur ou telle erreur. Ou il ne faut pas que je te dise fais attention, on ne va pas là-bas, on ne va pas là-bas. Il ne faut pas tout ça. Sinon, on ne pourra pas atteindre le mahabba. Et cela vient contredire le Coran et la Sunna. قال القاضي أبو يعقوب حسين في التمام لا تختلف رواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة. القاضي أبو حسين il a dit il n'y a pas de divergence dans tous ceux qui ont rapporté l'obligation de faire le hajar des gens de l'innovation. إلى أن قال فينبغي لك إن كنت متبعا سنن من سلف أن كل من هاجر بمعاصي الله لا تعادله ولا تساعده ولا تقاعده ولا تسلم عليه بل احجره. Il a dit quoi? Si tu veux suivre vraiment la sunna de salaf, c'est qu'ils ont fait le hajar des gens qui commettaient al-ma'asi ouvertement, qui persistaient là-dessus. Ils ne s'asseyaient pas. Alors si tu veux suivre, ne t'assois pas avec eux, ne reste pas avec eux, ne leur passe pas salam non plus, et fais le hajar d'eux. Et je dis bien qu'on va revenir sur tout ça. Est-ce que c'est mutlaqan? Est-ce que c'est tout le temps avec n'importe qui? Là, il y a des règles à respecter. Sinon il va y avoir quoi? Une fitna. Là où il n'y a pas lieu d'y avoir une fitna. Alayka bittaqwallahi azza wa jalla. Tu dois le craindre Allah Azza wa Jalla dans cette mas'ala et dans tout. وقال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله pour finir في مجموع الفتاوى. بهذا يتبين أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب وهي من رحمة الله بعباده. ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Il a dit, cher Islam, il y a dans tout cela le fait que de montrer que quelquefois Allah Azza wa Jal il touche avec quoi l'uquba, avec un châtiment, mais qui en vérité est une rahma pour lui. Et c'est ce qui permet de guérir certaines maladies des cœurs des gens. Et elle est une miséricorde pour ses serviteurs. Ce qui revient et ça rentre dans quoi la parole d'Allah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour les gens. Or, on sait que le Nabi Sallam, il a fait quoi? Rahma. Et bien, même ça, c'est la rahma en vérité, pour la personne. Et il a dit aussi, فَمَنْ تَرَكَ هَذِهِ الرَّحْمَ النَّافِعَةَ لِرَأْفَةِ يَجِدُهَا لِلْمَرِيدِ يعني في نفسه فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم في الترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يكتمونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم فيكون ذلك سبب فسادهم وعدوانهم وهلاكهم. Il a parlé de ces gens-là comme étant des ignorants. C'est comme si toi, tu vas rééduquer ton enfant, et bien il n'y a jamais de punition. Il fait des bêtises, hein? Mais parce que tu ne veux pas, c'est ton fils ou là c'est ta fille, puis tu l'aimes au nom de mahabba, de l'amour pour lui ou pour elle, ton fils ou ta fille, et bien il n'y a jamais de punition. Non, je lui donne pas de punition, ça va l'énerver, ça va le vexer. Après j'ai peur qu'il ne m'aime pas, il va dire t'es méchant Abid, t'es méchant tout mi. Hein? C'est pour ça que Cheikh Samir en a parlé, même dans l'éducation des enfants, ils font ça. Allah Azza wa Jal, yuhibbu al-muslimin. Tabaraka wa ta'ala. Allah aime les musulmans. Mais est-ce qu'il ne va pas en châtier certains en enfer? Pour les purifier de leurs péchés? Est-ce que certains ici ne sont pas touchés par des maladies afin d'être purifiés de leurs péchés? Donc quelquefois l'uquba fait partie de quoi? De la rahma. Quelquefois l'uquba, la français, l'uquba, la punition, le châtiment, il fait partie de quoi? De la rahma. C'est pas parce que tu punis ton fils que tu l'aimes pas, subhanallah. C'est pas parce que tu punis ta petite fille que tu l'aimes pas. C'est l'axe. Justement, c'est parce que tu l'aimes. C'est pour son bien. C'est pas parce que tu fais le hajar de ton frère que ça y est, tu l'aimes plus, mutlaqan. Non. C'est pour montrer quand il y a une maslaha, je dis bien quand il y a une maslaha, qu'il commence à réfléchir, qu'il se dise, subhanallah, si lui il ne parle plus, c'est vraiment que j'ai fait quelque chose de grave. Est-ce qu'un imam il a le droit de prier sur un fasiq qui est mort? Quelqu'un il faisait zina, il est mort là-dessus. Et c'était connu qu'il faisait zina. Un imam il n'a pas le droit de prier sur lui. Donc il fait le hajar de quoi? Salat al-janaza. Il est connu chez Salaf. Ba'du al-Aïma, ils ont mangé tous les rangs. Et arrivé devant le mayyit, il disait, je ne prie pas sur lui. Pourquoi? Min ashab al-kabair. Il faisait partie des gens des grands péchés. Il n'appartient pas à un imam de prier sur les gens qui commettent les grands péchés, comme a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Par contre, vous priez sur lui, parce qu'il est obligatoire, comme ce n'est pas un kabir, c'est obligatoire qu'une partie des musulmans prie sur lui. Ça c'est quoi? L'hajar. Hada moi. Al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas aimé Ka'b ibn Malik, min ashabi rasulillah. Il fait partie de ses compagnons. L'hajar a duré longtemps. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla ordonne de ne plus faire le hajar de lui. Donc ne pas croire que parce que tu vas faire une chose comme ça, ça y est, ça prouve que on a dénué de toi le mahabba, l'amour envers la personne. On continuera inchallah demain. Bi'idhnillah. 8h30, je crois, si je ne me trompe pas, le matin. Allahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله في ورحمه.